entre ses bras. Était-ce mieux qu'avec moi? Ouais, petite vicieuse, dis-moi tout. Combien de fois, combien de coups? Quand même pas jusqu'au bout. Non, petite salope, tu me mens. Il ne t'en a pas fait pourtant. Invente-moi encore ces mains sur ton ventre et tes seins. Quand même, tu m'as pas fait ça. C'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Petite garce, si tu m'as dit vrai, je te pardonnerai. Je